commanditaire. T'es dans l'optique de niquer des mères. Tu peux plus te contenter de ce salaire de merde. Tu rêves du soleil devant la mer. Et pour ça tu prendras tous les risques qu'il faut pour échapper au fisc. Quitte à te mettre en cavale, tu veux dépenser tout ton bénéfice, tu veux le dépenser. Mais t'as pas pensé qu'à la fin de l'année on va te taxer. Tu veux dépenser tout ton bénéfice, tu veux le dépenser. Mais t'as pas pensé qu'à la fin de l'année on va te taxer. T'as pas payé les impôts, t'as disparu comme El Chapo. Voulais jouer les Pablo, t'as disparu comme El Chapo. T'as pas payé les impôts, t'as disparu comme El Chapo. Voulais jouer les Pablo, t'as disparu comme El Chapo. De la monnaie, faire du bif, du papier, de la monnaie. Tu veux bâtir un empire comme Bolloré, mais pour ça il faudra tout déclarer. Tu rentrais du boulot, t'avais la tête sous l'eau. Tu dis à quoi t'ont servi tes cours de philo. Tu marchais solo, il était ta salut. Toi t'as dit salam et tu t'es mis en cavale. Tu veux dépenser tout ton bénéfice, tu veux le dépenser. Mais t'as pas pensé qu'à la fin de l'année on va te taxer. Tu veux dépenser tout ton bénéfice, tu veux le dépenser. Mais t'as pas pensé qu'à la fin de l'année on va te taxer. T'as pas payé les impôts, t'as disparu comme El Chapo. Voulais jouer les Pablo, t'as disparu comme El Chapo. T'as pas payé les impôts, t'as disparu comme El Chapo. Voulais jouer les Pablo, t'as disparu comme El Chapo. T'as quitté la zone, t'es devenu un gilet jaune. T'as quitté la zone, t'es devenu un gilet jaune. Ils t'ont pris tout ce que t'avais, tout ce que tu possédais. T'as rien épargné, t'as rien économisé. T'as quitté le pays, tu te sens utilisé. Toi t'as dit salam et tu t'es mis en cavale.